إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد بحمد الله تعالى. À compter de ce jour, nous allons essayer de prendre ce que Allah nous facilite dans l'explication de notre cher Yahya ibn Ali al-Hajuri, rahimahullah ta'ala, dans le fameux matn des Arba'in Nawawi. Tout d'abord, nous tenons à vous exhorter à patienter sur les conditions d'enseignement, car ici, et comme vous le savez au Yémen, souvent nous pouvons rencontrer des problèmes de connexion par rapport à l'Internet qui n'est pas celui de la France. Des coupures, des retards, tout cela, mais Inch'Allah, al-baraka min Allah, donc on s'excuse par avance pour tout ce qui pourrait donner une certaine machaka, une certaine difficulté à la patience des frères dans ces cours. J'aimerais d'abord mettre en évidence que le livre sur lequel je me basais, qui a déjà été édité du Shir, il contient beaucoup d'erreurs d'imprimerie, d'édition. Vous pouvez le trouver, le télécharger sur le site du Shir, Hafizallah. Cependant, il y a beaucoup d'erreurs, dans l'écriture. Également, mon explication se basera essentiellement sur une traduction des paroles du Shir, et également en prenant d'autres chourouhs, d'autres explications, d'autres mashayikh, comme Shir al-Fawzan, Hafizahullah ta'ala, ou Shir al-Faymi, rahimahullah, ou même du fameux sharh d'Ibn Rajab, qui s'appelle Jami' al-Ulum wal-Hikam, qui est l'un des meilleurs sharh de ce matn des Arba'in Nawawi. Et il se peut que j'y ajoute certains commentaires, si le besoin se fait ressentir. Naam. Donc nous allons commencer directement, car nous avons déjà tardé, et je m'en excuse encore une fois auprès de vous, par ce que le Shir a dit dans son livre. Il dit « Alhamdulillah hamdan kathira, tayyiban, mubarakan fi, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasulu. » Donc ceci c'est la muqaddima qui elle n'a pas besoin d'être traduite. Ensuite il poursuit en disant « Hatha al-kitabu al-arba'un al-nawawiyya » جمع فيها الإمام النووي رحمه الله تعالى أحاديث مفيدة جامعة متنوعة بين الصحيح لذاته أو الصحيح لغيره وحسن ذاته أو حسن غيره ولهذا اعتنى بها أهل العلم وطلابه حفظا وشرحا. C'est-à-dire que ce livre, qui est le 42 Arba'in Nawawi, dedans l'imam Nawawi, رحمه الله تعالى, a regroupé un certain nombre de hadith très profitables qui englobent beaucoup de sens et diversifié dans différentes catégories de degrés d'authenticité entre sahih les zati, c'est-à-dire authentique en lui-même, ou sahih le ghayli, c'est-à-dire authentique par d'autres hadiths qu'il appuie, ou hasan zatihi, pareillement qui est hasan en lui-même, ou hasan le ghayli. Et de là, les gens de science ont pris un soin particulier à ce livre, ainsi que les toulab, dans sa mémorisation et son explication. C'est-à-dire que dans ce matn, on ne trouve rien d'inventé. Les hadiths qui y sont cités ont tous une origine ou un fondement. Même si la chaîne de narration peut être discutable, le sens du hadith cité lui-même est authentique. Naam. Le Cheikh poursuit en disant An-Nawawi rahimahullah ta'ala ma amara illa nahwu 45 sana lakin ja'ala Allah fi waqtihi al-baraka. C'est-à-dire que l'imam An-Nawawi n'a vécu que 45 ans. Cependant, Allah a mis la baraka dans son temps de vie. De là, nous voyons également que le statut de l'homme dans son niveau scientifique n'est pas basé sur son âge, ni du lieu d'où il vient, mais tout simplement du tawfiq min Allah, qui peut être jeune et avoir beaucoup de science, et ne pas être d'un certain pays, et avoir beaucoup de science également, contrairement à ce que beaucoup s'imaginent en cette époque. Le Cheikh poursuit plus bas en disant « وَإِنَّمَا ذَكَرْنَا هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنَّ اللَّهَ بَارَكَ فِي وَقْتِ النَّوَوِي لِمَا عِنْدَهُ مِنَ الصَّلَاحِ لَا سِيَمَا فِي الْعِبَادَةِ وَالْقِيَامِ وَالصِّيَامِ وَالنُّصْحِ والمراسلات للحكام إلى غير ذلك مما تراه مذكورا في ترجمته في مقدمة شرحه على صحيح المسلم. Donc il dit, nous citons cela, c'est-à-dire par rapport à l'âge du shir, yani l'imam al-Nawawi, du fait que Allah a mis la baraka dans son temps de vie, pour cause de ce qu'il avait comme réforme, surtout dans les adorations, le qiyam, qiyam al-layl, le siyam, c'est-à-dire le jeûne, le nus, le conseil, ou le murasalat et le hukam, c'est-à-dire les correspondances parcourues avec les gouverneurs en vue de les conseiller. Comme cela a été cité dans sa biographie, dans l'introduction de son explication au Sahih Muslim. Ensuite, le Cheikh poursuit en disant ومن مؤلفات النووي الكثيرة المشهورة ما ذكره ابن كثير رحمه الله قال في بداية ونهاية. Donc parmi les très nombreux ouvrages de l'imam al-Nawawi, ce que l'imam Ibn Kathir a cité dans son livre Al-Bidaya wal-Nihaya. Il dit, c'est-à-dire là, Ibn Kathir, Al-Sheikh Muhiddin al-Nawawi Yahan al-Sharaf Ibn Hassan Ibn Hussein Ibn Jumu'a Ibn Hizam الحازمي العالم محي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي العلامة شيخ المذهب وكبير الفقهاء في زمانه. Donc il dit, après avoir cité son nom entièrement, qui vient de Dimashq et qu'il est du mazhab Shafi'i et qui est parmi les grands du fiqh de son époque. ولد بالنوى سنة 31 و600. C'est-à-dire qu'il est né en 631, qui équivaut au 13e siècle de l'ère chrétienne, qui équivaut à peu près à 1234, à peu près. Et en regardant, j'ai trouvé que c'est là qu'on coïncidait avec l'époque d'un certain roi, Louis IX, en France. Ah, je ne le connais pas. Non. Et Nawa, c'est une contrée parmi les contrées de Hauran, qui se trouve où ? Au sud de la Syrie. Waqad qadima Dimashq sanat 49, c'est-à-dire en l'an 49. Donc il avait quel âge ? 18 ans. Il avait 18 ans. وَقَدْ حَفْزَ الْقُرْآنِ وَشَّرَعَ فِي كِرَاءَةِ التَّنْبِيهِ. Donc il avait déjà mémorisé le Coran et se mis à lire, ou on va dire mémoriser, dans le livre qui s'appelle التَّنْبِيهِ. فَيُقَالُ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي أَرْبَعَ أَشْهُرُ وَنِسْفِ. Il a été dit qu'il a lu ce livre entièrement en 4 mois et demi. وَقَرَأَ رُبْعَ الْعِبَادَةِ مِنَ الْمَذْهَبِ فِي بَقِيَةِ السَّنَةِ. ثم لزم المشايخ تصحيحا وشرحا. Ensuite, il côtoya les mashayikh, c'est-à-dire il s'assit auprès d'eux, en vue de correction et d'explication de ces livres qu'il a lus. فكان يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ. Et chaque jour, il avait à peu près une douzaine de cours. Il avait une douzaine de cours qu'il lisait sur les mashayikh. Donc là, attention, il est connu que l'imam Nawawi, rahimahullah ta'ala, كان آيات من آيات الله. C'était un signe parmi les signes d'Allah. C'est-à-dire que il ne convient pas, nous, à notre stade et à notre degré, de prendre autant de cours par jour. 12 cours par jour, c'est un grand nombre de cours. De là, souvent, Shir Mokbil, rahimahullah ta'ala, conseillait ses toulèbes qui venaient à Dimaj, les débutants ou même autres, de se contenter de prendre 2 cours par jour, afin de bien les maîtriser, les assimiler. Car si tu prends beaucoup de cours, prendre un cours, ce n'est pas dur. Ce qui est dur, c'est de le réviser et de l'assimiler. Donc ce qu'a fait l'imam al-Nawawi prouve sa grande force qu'il avait dans la science, dans l'endurance. Cependant, il ne revient pas à notre stade, à nous, d'essayer de faire pareil que lui. Très peu y arriveront. Ou presque personne, il aime rahimahullah. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, il reprend en disant « Irtana bitasnif wa jamaashi an kathira ». Ensuite, l'imam al-Nawawi se mit à écrire et regroupa beaucoup de choses. Il y en a beaucoup d'ouvrages. Minha ma akmalahu wa minha ma lam yukmilhu. Et parmi ceux-là, certains livres qu'il a parachevés et d'autres qui n'ont pas été parachevés. Wa mimma kammala sharh muslim wa rawda wa minhaj wa riyad wa al-afkar wa tabyan wa tahrir al-tanbih wa tasih wa tadhhib al-asma wa al-lughat wa tabaqat al-fuqaha wa ghayr dhalika. Donc parmi les livres qu'il a achevés, il y a ce qui est très connu, le sharh de l'imam muslim dans son sahih. Al-rawda, Al-Menhaj, Wal-Riyad, c'est-à-dire Riyad al-Salihin, fameux livre qui est connu, Al-Afkar, Wal-Tabiyan, Wal-Tahrir al-Tanbih, Wal-Tasih, Wal-Tadhib al-Asma, Wal-Lughat, Wal-Tabaqat al-Fuqaha, Wal-Dhalika. Et parmi les plus connus, bien sûr, de ce livre, c'est Riyad al-Salihin, Wal-Arba'in Nawawi, et son explication de Sahih al-Muslim. ومما لم يتممه ولو كمل لم يكن نظيرا في بابه. Et parmi les livres qu'il n'a pas complété, mais s'il l'avait fait, cela aurait été un livre sans égal dans son domaine. C'est-à-dire شرح المهذب الذي سماه المجموع. L'explication du livre qui s'appelle المهذب, qui est connu sous le titre de المجموع. وصل فيه إلى كتاب الربا, et qu'il est arrivé dans ce livre jusqu'au livre du riba, de l'usure. فأبدع فيه وأجاد وأفاد وأحسن الانتقاد وحرر الفقه فيه في المذهب وغيره. C'est-à-dire qu'il a dedans, il a été minutieux, qu'il a innové, c'est-à-dire en disant innover là, dans le sens qu'il est arrivé avec une façon que personne n'a fait auparavant, avant lui, qu'il a fait profiter et qu'il a donné de bonnes critiques et qu'il a également établi les sujets de fiqh étant liés au madhab, madhab Shafi'i et autres que celui-là. Et également qu'il a bien cité en ce qui concerne les hadiths, les chefs de narration, ainsi de suite. Et également qu'il expliquait les mots étranges, c'est-à-dire les mots en langue arabe qui pourraient paraître incompréhensibles en apparence pour celui qui les lirait. Wa ashay muhimma la tujadu ila fihi, et qui cita d'autres choses importantes qu'on ne trouve dans autre que dans ce livre, des choses présentes uniquement dans ce livre. Wa qad ja'alahu nukhba, et qu'il en a fait une référence, un élite. Ce livre est une référence dans les gens du fiqh, al-majmou'. La alifu fi kutub al-fiqh ahsana minhu, et je ne connais aucun livre dans les kutub de fiqh qui soit meilleur que celui-ci. Ala annahu muhtajun ila ashya kathiratin tuzadu fihi wa tudafu ilayhi, malgré qu'il ait besoin de certaines choses à rajouter, bien sûr, car personne n'est ma'soum. وقد كان في الزهادة والعبادة والورع والتحري والانجماع عن الناس على جانب كبير لا يقدر عليه أحد من الفقهاء غيره. Et que l'imam Nawawi était à un haut niveau d'ascétisme et d'adoration et de wara. Wara, c'est de délaisser tout ce qui pourrait nuire dans l'au-delà. Et dans la recherche de la vérité et de le fait de se réunir avec les gens à un niveau que personne n'était en mesure d'accomplir ce n'est que lui, parmi les gens du fiqh à son époque. Ça, c'était ce que le shir a rapporté de l'imam Ibn Kathir dans Al-Bidaya ou Nihaya. Ensuite, il rapporta également des paroles de Zahabi dans son livre Siyar A'lam et Nubala à propos de l'imam Nawawi. Je vais passer directement à la partie qui concerne ce qui est nouveau, car lui-même cita son nom, ses livres, ainsi de suite, donc pour éviter les répétitions. Je passe directement à ce qu'il dit quand il dit « Wa kana abuhu dakkaniyan biha » فَنَشَى الْشَيْخ فِي سِتْرُ وَخَيْرُ وَحَفْزَ الْقُرْآنِ. Donc il dit que son père tenait un magasin et que l'imam Nawawi y en a grandi dans le bien et avait déjà mémorisé le Coran, comme l'a déjà dit l'imam Ibn Kathir. ثُمَّ نَقَلُوا أَبُوهُ فِي سَنَةِ 49 إِلَى دَمَشْقِ لِيَشْتَغِلَ بِهَا. Ensuite son père s'en alla avec lui à Damasque en l'an 49 afin d'y travailler. Également, il dit ثم حجم والده وقد لاحت عليه أمارات النجابة والفهم واتفق أنه أقام بالمدينة النبوية شهرا ونصفا. Donc ensuite il a compris le hajj avec son père et il a perçu sur lui déjà les signes de la compréhension et qu'il fut unanime qu'il résida à Al-Medina, à Medine, c'est-à-dire durant un mois et demi. ورجع وأكبا على طلب العلم ليلا ونهارا اشتغالا فضرب بالمثل وحجر النوم إلى غن غربة وضبط أوقاته إلى بلزوم الدرس أو الكتابة أو المطالعة أو التردد إلى الشيوخ وترك كل رفاهية وتناعم مع تقوى وقناعة وورع وحسن المراقبة لله في الستر أو في السر والعلانية. Qu'il retourna ensuite chez lui et se consacra entièrement à la recherche de la science nuit et jour. Et qu'il fut cité en exemple, c'est-à-dire l'imam Nawawi était un exemple à citer pour les autres. Et qu'il délaissa le sommeil, si ce n'est ce que, yani le sommeil qui prenait le dessus sur lui. Hein, si ce n'est le sommeil qui prenait le dessus sur lui, c'est-à-dire quand le sommeil arrivait à un stade où on ne peut plus le contrôler. Et également qu'il géra son temps de sorte qu'il ne s'occupa que des durus et de l'écriture et de la lecture. Et également des questions qu'il posa au Mashaïr. Et il délaissa toute détente et toute délice de ce bas monde, et qu'il était d'une grande taqwa, d'une grande conviction, du war, comme on l'a dit, c'est-à-dire souvent traduit par la taqwa, mais war, c'est le fait de délaisser ce qui pourrait nuire dans l'au-delà. Des choses qui pourraient amener des doutes. et également qu'il avait une muraqaba, c'est-à-dire qu'il sentait que Allah le regardait, qu'il s'agisse dans ses actes apparents ou cachés. Naam. Et plus bas, Zahabi cite une parole de Nawawi lui-même qui dit, Nawawi lui-même dit de lui-même, wa khatara li an ashtaghila bit-tibb wa ashtaraytu kitab al-qanun wa azlama qalbi wa baqaytu ayaman la aqdiru ala al-ishtighal fa aqaftu ala nafsi wa bi'tu al-qanun wa anara qalbi fa anara qalbi. Donc il dit que Nawawi dit qu'il lui est venu en tête de s'occuper de la médecine, de rentrer dans la science de la médecine. Donc il acheta, il dit j'ai acheté le livre Al-Qanun. Et ce livre assombrit mon cœur. Je restais des jours sans pouvoir faire quoi que ce soit. Alors je me suis remis en question et je vendis le livre. Et de là, mon cœur s'illumina. C'est-à-dire qu'il a voulu sortir de autre que la chance légiférée, chose qui lui a assombri son cœur. Seulement de là, on met en évidence que le fait d'apprendre la médecine, c'est un fort kifaï, une obligation commune, que certains de la communauté doivent s'en charger. Ce n'est pas une chose à délaisser dans sa totalité. Nous avons besoin de médecins et de compétences médicinales pour la communauté de l'islam. Seulement l'imam Nawawi, lui, n'a pas été, il n'a pas été accordé le succès afin de pouvoir s'occuper de cette science. Donc il délaissa cela. Après, Shir Yahya cita d'autres paroles de ulama sur lui, comme éloge, et dans sa biographie, que nous allons passer, car tout se répète. Ensuite, il va dire, le Shir Yahya, toujours, il dit, « Na'am, zelat qadamuhu fima yata'alak bi ta'wil as-sifat, fa'uwa fiha yuhazzala minhu, wa kazalika mas'alat » Oh putain, on va s'arrêter là. Donc il dit, en effet, son pied a glissé, c'est-à-dire que il a fauté dans le sujet qui touche à l'interprétation des attributs d'Allah. Et dans ce sujet-là, l'imam Nawawi, il faut mettre en garde sur ses erreurs. Du fait qu'il était comme l'Asha'ira, qu'il interprétait les sifat, les attributs d'Allah. Comme il est connu chez Al-Sunnah wa Jama'a, que l'attribut d'Allah, on le prend dans son apparence, sans l'interpréter, et sans chercher à savoir le comment. Car le comment n'est connu qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains, par peur de faire ressembler Allah à la créature, lorsqu'ils voient un attribut d'Allah qui est présent chez la créature, ils veulent l'interpréter. Par exemple, sifat al-yad, la main, ils vont dire que c'est la force, pour ne pas dire qu'Allah il a une main. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans son livre, il dit quoi ? Il n'y a rien qui est comme lui. C'est-à-dire que si Allah a une main, on prend comme cela est venu. Et une main, nous savons tous ce qu'est une main. Cependant, nous n'avons pas cherché à savoir comment elle est par rapport à celle de l'être humain, à la comparer, et ni à l'annuler, à dire qu'Allah n'a pas de main, de peur de faire ressembler Allah à sa créature. On prend les textes religieux authentiques comme ils sont venus. Savant qu'il y en a fait le Coran ou fait Sunnah Sahiha, que cela soit dans le Coran ou dans la Sunnah authentique. On prend les textes religieux dans leur apparence, tant qu'il ne vient pas un indice qui indique qu'il faille interpréter cet attribut. A titre d'exemple, dans le hadith rapporté par Abu Huraira chez l'imam muslim, hadith Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, Ya ibn Adam, maridtu falam ta'udni. يقول يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مريضا فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عندك أو عنده. Du fait que Allah subhanahu wa ta'ala dit oh fils d'Adam, j'ai été malade et tu ne m'as point visité. Donc là la créature dit oh Seigneur, comment te visiterai-je alors que tu es le Seigneur des mondes. Il dit, n'as-tu pas su que mon serviteur un tel est tombé malade et que si tu l'avais visité, tu m'aurais trouvé auprès de lui. Donc de là, Allah subhanahu wa ta'ala, il indique que veut dire le sens maridtu. Car la maladie, c'est un attribut de faiblesse qui ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a expliqué le sens voulu par là en disant que c'est en fait son serviteur qui est tombé malade. Donc là, on a un indice qui nous permet d'interpréter la parole d'Allah comme lui-même l'a expliqué. Vous voyez ? Donc là, on peut le faire. Mais quand on n'a pas d'indice, alors, la chose citée dans le hadith ou dans le verset qui se rapporte à Allah dans ses attributs doit être pris comme il est venu, textuellement parlant. C'était juste en guise d'exemple. Donc, de ce côté-là, l'imam Nawawi, il a eu des erreurs dans la aqidah du fait qu'il a interprété les sifat. Également, l'imam Bayhaqi, Washoukani, Walibam ibn Hajar, tout cela ont été critiqués sur ce point-là. Bien qu'ils étaient des imams de l'islam, et que les savants leur ont trouvé des excuses, beaucoup les défendent et disent qu'il n'y a pas à les rendre innovateurs. il n'y a pas d'innovateur, car ils ont été mujtahidoun dans ce qu'ils ont fait, et que à leur époque, c'était le madhab qui était fortement répandu, c'était celui des Asha'ira. Donc ils pensaient que c'était El-Sunna qu'il fallait agir de la sorte. Cependant, cela a été faux. Mais ils ont été, Inch'Allah, excusés pour les grands efforts qu'ils ont fournis pour la communauté, car ces gens ont été reconnus comme étant des imams piliers de la religion. L'imam Shawkani, Wal-Bayhaqi, Wal-Imam Ibn Hajar, Wal-Imam Nawawi et autres que eux. Non. Également, parmi les choses reprochées à l'imam Nawawi comme erreur, Mas'alat Tabarruk Bissolihin, le fait de rechercher la baraka auprès des gens pieux. Car l'imam Nawawi, Rahimahullah Ta'ala, a émis une comparaison par analogie, c'est-à-dire un qiyas, du fait que les sahaba prenaient chercher la baraka auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par sa sueur, sa salive, ses cheveux et autres. Mais il s'agit là d'une chose qui était propre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne d'autre que lui ne mérite qu'on agisse de la sorte avec lui. Pourquoi ? Pour fermer la porte au rouleau, à l'exagération dans les gens qui pourraient amener elles-mêmes à quoi ? Au shirk. Les sahaba n'ont pas agi de la sorte avec autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après sa mort. Et l'imam Nawawi, lui, en comparaison à cela, voit que l'on peut agir de la sorte avec les gens pieux. Et cela est une erreur de sa part. Voyez. Fayaqul yuhadharu minhu fi hadha ka ghayrihi min ash'ariyya. Donc on met en garde contre lui sur ce point-là, tout comme les ash'ariyya qui eux aussi voient cette chose-là. Wa mimma yuntaqad alayhi qawluhu fi muqaddimatihi li hadha al-kitab. اتفق العلماء على جواز العمل بحديث الضعيف في فضائل الأعمال وهذا غير صحيح. Que également il était reproché une chose dans sa muqaddimah de ce matn de Arba'in Nawawi. Il faut savoir que l'imam Nawawi s'est basé sur un hadith jugé comme faible, qui dit que celui qui apprend 40 hadiths dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela sera ressuscité parmi les gens de science et les savants. Et ainsi de suite. Et tous les hadiths et anis sur ce sujet-là ont été jugés comme faibles. Et l'imam Nawawi, lui-même le sait. Lui-même, il le sait. Cependant, il justifie son action par cette parole en disant « Ittafaqa ». « Ittafaqa al-ulama ala jawaz al-amal bil-hadith al-da'if fi fada'il al-amal » que les savants sont unanimes sur le fait qu'il est permis d'agir ou d'œuvrer avec les hadiths faibles en ce qui touche au mérite des actes, dans les actes de valeur. Et là, il a prétendu une chose qui n'est pas vraie, que les savants sont unanimes. Vous voyez, les savants sont unanimes, et cela n'est pas vrai. Il y a khilaf sur le sujet, il y a une divergence, avec le fait que l'avis le plus plausible et le prépondérant est que cela n'est pas permis. Car agir en fonction, en se basant sur des hadiths faibles, en connaissance de cause, hein, bien sûr, sachant que le hadith est faible, cela mène à quoi ? À pouvoir tomber dans la bid'a. Pourquoi ? Car les ibadat ou kifiyya, les adorations, sont basées sur un décret divin. Comme cela viendra dans le hadith de Aïcha, Inch'Allah, que l'adoration n'est basée que sur un texte religieux qui permet d'agir de la sorte. Donc si demain on voit un hadith qui est da'if et qu'on agit en se basant dessus, on va faire quoi ? Apporter une chose dans la religion qui n'en fait pas partie. On va apporter dans la religion une chose n'en faisant pas partie. Donc de là, beaucoup de savants ont mis le fait qu'il n'est pas permis d'agir en se basant sur un hadith qui est faible, si on connaît la faiblesse du hadith. Parmi eux, Cheikh Yahya, ou Cheikh Mokbil, ou l'imam Al-Albani, Rahimahullah Ta'ala, et bien d'autres. Bien d'autres. Donc de là, l'imam Nawawi a commis une erreur en disant que les savants sont unanimes sur le sujet. Voyez. Donc Cheikh Yahya reprend en disant « Wa amma zikruhu fi awal arba'anihi » Hadal Hadith, et quant au fait qu'il est cité dans son Arba'in comme Hadith en premier, Innamal A'mal bin Niyat, que les actes ne valent que par les intentions, Fakosduhu, Wakos Kassir Mimman Ibtadah Kitabah bi Hadal Hadith, Mu'alajatan Tasrih en Niyat, ou Mu'alajat Tasrih en Niyat, que tous ceux qui ont commencé leur livre par ce Hadith-là, que les actes ne valent que par les intentions, cela pourquoi ? En vue de corriger l'intention de celui qui commet une action, qui remette bien en compte son intention avant d'agir. Comme sarraha bidhalika ghayr wahid min ahli al-ilm, comme l'ont clairement dit certains, plus d'un parmi les gens de science. Wa qala Ibn Mahdi, law alaftu kitaban ala abwab la ja'altu hadha al-hadith fi awwal kull bab. Donc Ibn Mahdi l'a dit quoi ? Si jamais j'écrivais un livre, je mettrais ce hadith en début de chaque chapitre. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى أنه يدخل تحت 70 بابا من الفقه. Et que l'imam Shafi'i dit que ce hadith rentre dans 70 domaines dans les portes du fiqh, dans les chapitres du fiqh. Et il dit également huwa thuluth al-'ilm kama marra bina fi muqaddimat as-sunan as-sughra lil-Bayhaqi. Et également il dit que ce hadith est le tiers de la science, comme cela nous a été cité dans l'introduction de Sunan al-Bayhaqi, Sunan as-sughra de Bayhaqi. C'est là le Shafi'i qui cite cela, qu'ils ont vu la parole des Shafi'i dans ce livre, Sunan as-sughra. نعم. Ensuite il dit en disant ولما كان هذا الكتاب النفيس يحفظه كثير من إخواننا طلبة العلم الصغار والبادئين عزمت أن أسوق أحاديثه بأسانيدها يتعود من أراد سوق الأحاديث بأسانيدها. Donc il dit quoi? Lorsque j'ai vu que ce livre précieux était mémorisé par beaucoup de nos frères parmi les étudiants en sciences, petits en âge ou débutants, j'ai décidé de citer les hadiths avec leur isnad, afin que celui qui veut les mémoriser avec l'isnad puisse s'y habituer. Car ce sont des hadiths qui sont facilités. Ce sont des hadiths faciles à mémoriser. Souma yaqul, « وَمَنْ أَرَادَ حِفْظَهَا بِغَيْلِ أَسَانِدِ كَمَا تَعَمَّدَ النَّوِي ذَلِكَ لَمْ نُغَيِّرْ مِنْ مَقْصُودِهِ وَلِلَهِ الْحَمْدِ فالكتاب قد تبع عدة طبعات بغير الأسانيد والأمر في ذلك واسع. Donc il dit, et quant à celui qui veut mémoriser les hadiths, voyez, qui veut mémoriser les hadiths sans l'isnad, là-dessus il n'y a pas de problème. Car tel était le cas de l'imam An-Nawawi lorsqu'il a fait ce livre, il lui-même n'a pas cité l'isnad des chaînes de narration pour faciliter la mémorisation des hadiths. Donc de là, nous exhortons nos frères ainsi que les sœurs qui écoutent ce ders, qui sont en mesure de mémoriser les hadiths, qui ont certaines bases en arabe, ou qui sont même arabophones, de le faire. Car ces hadiths englobent beaucoup de sens dans différents domaines de la religion, dans les comportements, et dans les usul, dans les fondements. Et tu ne trouveras quasiment jamais un sujet dans la religion, lors d'un débat ou lors d'un problème, sans qu'un des hadiths dans Arba'in Nawawi ne soit lui-même une preuve sur cela, un éclaircissement. D'où des fois on ne le voit pas. Le savant le voit, lui. Le hadith en lui-même ne te laisse pas apparaître le sens voulu dans le problème que tu recherches. Cependant, celui qui médite et qui a bien compris et assimilé ces hadiths arrive à trouver une solution en se basant sur le hadith. C'est-à-dire, c'est un hadith qa'ida. C'est une qa'ida, une base sur laquelle on peut baser beaucoup de règles. Vous voyez, un fondement sur lequel on base plusieurs règles. Comme un tronc d'arbre avec des branches. Le tronc lui-même, c'est la base de l'arbre. Et de là viennent différentes branches, et ces branches elles-mêmes se divisent en différentes branches. Donc ce livre-là est très important à prendre et à comprendre. Et Inch'Allah, Nasallallahu yuwaffiqana fi sharh hadhihi al-ahadith bi qadri istita'atina. Et que nous demandons à Allah qu'il nous facilite dans l'explication de ces ahadiths en se basant sur celle de notre shir, car la baraka est dans les paroles des savants. La baraka est dans la parole des savants. Fanas'alallahu an yuwaffiqana فيما قلنا وننفع بنا الإسلام والمسلمين ونكتفي بهذا القدر ونقول والحمد لله رب العالمين.